des choses un peu plus fort. Tu m'abandonnes à mon sort, me laisses à demi-mort. Nos corps enlacés, you should try to say, I don't care about us, I don't care. Nos corps enlacés au bord des ambiers. Somebody told you, somebody told you.